Excellent. Échantillon corrosif. Hey, échantillon corrosif. Hey, toujours opérationnel. Après ça, t'arrêtes le peur. DJ. Y'aura ma pute sur vos sites. Faites place aux kickers. Faites place aux kickers. Côté comme les liqueurs. Son trip pour un sneaker. On se dit que t'es pire que nous, positif. J'arrête mes conneries afin de finir sur le positif. Y'aura ma pute sur vos sites. Faites place aux kickers. Côté comme les liqueurs. Son trip pour un sneaker. On se dit que t'es pire que nous, positif. J'arrête mes conneries afin de finir sur le positif. Ne demande pas pourquoi. J'baisse sur du mapouka. J'rappe bien. Qui est l'enfoiré qui m'a poucave. Soldat du bitume. Dangereuse attitude. J'triche pour rapide. Tu t'es plus j'aime pour les beurettes. Bagne c'est mon secteur. Où je vis, où je meurs. Si je continue comme ça, c'est sûr je finis chômeur. Tu dis que t'es illégal. Sérieux, ça m'est égal. Négro, propre nord, Cameroun, j'y laisse les gars. Les armes me posaient comme un jet. Applaudissez la fête. Quand je suis de sortie, je vois tous les MC font la tête. Mon AP national, bientôt international. On lâche jamais la balle, tire cadré en transversal. Pour moi, tu sais que t'es bataille. Toujours dans les freestyles. Du gros, pas du détail. Blessant comme le Muay Thai. Ça kick, kick, ça pique, pique. Les MC, ça les nique, nique. Vite, vite, sur le beat, beat. T'as vu comment je je crois que c'est le chantier, donc je viens faire les travaux. Après j'ai rénové, tu pourras que me dire bravo. Eh, hey, c'est pour le projet et le riche. On fait le café, on s'arrache. On crache des mots crades au micro comme des molars. Le style laisse tes victimes dans le coma. Nouvelle race de kicker hors du coma. Ton équipe ne fait pas le poids lors du combat. Représente la France d'en bas et nos gens braves. On prend le peur à en otage, on vous le rend pas. Sans leur contrat, on est venu faire coma. Les capaches, on les attaque et arracher le chroma. Je fais péter les rimes, pas pour baiser les bitches. Pas besoin de maqueter les titres pour faire céder les hits. Tu peux ramener tes types, tu feras pas pleurer l'équipe. Je bosse pas au prétérite, des fois je suis très terrible. J'espère que t'es ready. Je fais trop de bénéfices, petit hérédit. Je le ça y est là, mais c'est dit. Ok, la Jérémie, en place, ouais, j'élimine. Je kique mes ennemis et ceux qui ont baissé les jeans. Le rap, je le serre vite, je touche le RMI. Les coups sont permis, les MC, je les termine. On va battre ces filles, je relève tous les défis. Je te mets la fessifice, envoie la tête, c'est la mentality. Gun devant ta vitrine, je suis pas de ceux qui tuent la teuf quand t'as liquide. Tranquille, je suis chez Watt, un blunt devant ta bitchise. Je la baffe et je lui dis putain, qu'est-ce que je mange à midi. Sérieux, je bicrave mes rimes comme de la Blue Magic. Et dans la bouche ta bitch, y'a le goût de ma bite. J'avoue, je suis bloqué dans le sas. Châtillon côté gangsta, d'une punchline, faut que des danses cassent. C'est magique, on le sait, c'est Madin Hotel. On a dit non au schneck, on a dit l'oseille. Le rap c'est ma cam, châtier, j'balna. Faut que je mette à cette banane, boum, t'as cette paname. On crache des mots, crade au micro comme des mots là. Le style laisse tes victimes dans le coma. Nouvelle race de kicker hors du coma. Ton équipe ne fait pas le poids lors du combat. Représente la France d'en bas et nos gens braves. On prend le peur à en otage, on vous le rend pas. Sans leur contrat, on est venu faire coma. Les capaches, on les attaque. Quand je viens, c'est pas pour me hachoum, mais pour mettre la choum. C'est brise blanc à la ch'tikoff, être en ta choum. Je veux me couper avec la scalpel ou à couper. A tous mesures qu'il va vous gifler. Je dis ce que je pense tout haut et tout bas, ouais. Pour mes frères d'en haut et d'en bas, ouais. C'est pour tous les frères d'État, ceux qui sont pas froids aux yeux. Hey, quand ils portent la lettre, frère, est-ce qu'on plaît, c'est neuf. Qui va toucher au centimètre, bref, qu'en première sommaire. Ici c'est 4x12 illicite. Attention, attends-toi, l'attentat, attends-toi. C'est pas du fun d'art Christopher, mais bien du rap de Tigger. Ma mixtape, un cri de guerre, ces cris de guerre sont pris de peur. J'crame tes écouteurs, mon style à marteau piqueur. J'apporte à l'auditeur, un peu de fort ton liqueur. Pour ceux qui savent et kiffent ma saveur, lyrics massacreur, qui irritent ta sale gueule. Ou qui s'y fait pas le gueule, devant mes bédaveurs et pillaveurs. Reste scrédit comme un bigraveur. J'suis venu remettre les pendules pile à l'heure. Pire horreur pour les âmes sensibles, surpris en pleurs. Face au sucker, mon place a pris l'ampleur. Ces bâtards méritent des bastos gratos de gueule.